une princesse de sous le rosier blanc. Il y a une princesse, il y a une princesse plus belle que le jour. Trois jeunes capitaines viennent lui faire la cour. Il y a une princesse plus belle que le jour. Trois jeunes capitaines viennent lui faire l'amour. Le plus jeune des trois l'a prise par sa main blanche. Le plus jeune des trois l'a prise par sa main blanche. Montez, montez la belle sur mon cheval gris. À Paris je vous mène dans une hôtellerie. Montez, montez la belle sur mon cheval gris. À Paris je vous mène dans une hôtellerie. Quand ils furent arrivés là-bas dans cette auberge, quand ils furent arrivés là-bas dans cette auberge, mangez, mangez la belle, ayez bon appétit. Avec un capitaine, vous passerez la nuit. Mangez, mangez la belle, ayez bon appétit. Avec un capitaine, vous passerez la nuit. Car voilà ma mimote dans le cœur.